إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد d'habitude le samedi on s'entraide à l'étude du livre de Cheikh Mohamed Ben Omar Bazmoul, hafidahullahu ta'ala, qui est l'explication du livre de Cheikh Al-Albani, Sifat Salat al-Nabi, alayhi salatu wassalam, Ka'anna kataraha min at-takbir ila at-taslim. Et aujourd'hui, on va déroger un petit peu à la règle et on va faire un cours différent qui a pour titre « Crains Allah où que tu sois ». C'est un cours fait à la base par Cheikh Obaid al-Jabiri, hafidahullahu ta'ala, que je voulais vous traduire aujourd'hui. Et une des raisons pour laquelle j'ai voulu le faire aujourd'hui, c'est parce qu'on a des visiteurs aujourd'hui. Je me suis dit qu'il était peut-être qu'il vient de l'étranger. Je me suis dit peut-être qu'il était un bon choix de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose qui peut nous bénéficier à tous et qui est un rappel à nous tous. C'est un cours qui à la base a été fait par Cheikh Obaid al-Jabiri par le téléphone pour les frères du Qatar. Dans une silsila qu'on appelle Al-Liqa'at al-Salafiyya al-Qatariyya. Hein, les rencontres salafiyani du Qatariote, si vous voulez, du Qatar. Et donc, Cheikh Obaid al-Jabiri, hafidahullah, il commence directement son cours en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dini al-haqqi liyudhirahu ala al-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد donc Cheikh Obaid al-Jabiri il commence son titre son livre son cours pardon qui a pour titre crains Allah où que tu sois اتقي الله حيث ما كنت et vous devinez évidemment que c'est l'explication du quoi du fameux hadith hein jusqu'à la fin du hadith. Il commence son cours hafidahullahu ta'ala en disant toutes les louanges à Allah. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, c'est-à-dire l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin, et c'est la traduction du sens de sourate al-Fath, verset 28. Cheikh, il dit, et j'atteste qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité que Allah. De manière exclusive, sans lui donner d'associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui ainsi que ses proches et ses compagnons. Ensuite, il dit Amma ba'd fa ma'ashira man yastami'u ilayna min khilali al-liqa'at al-qatariyya al-salafiyya, urahibu bikum hadihi al-layla. Wa atahaddathu ilaykum hadithan as'alullah an yanfa'ani wa iyyakum bih. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل بها والحديث جاء مرويا عن معاذ ومرويا عن أبي ذر رضي الله عنهما donc Cheikh Obaid al-Jabiri حفظه الله il dit oh vous qui écoutez qui nous écoutez via ces rencontres salafi qatariotes c'est-à-dire du pays du Qatar il dit je vous souhaite ce soir la bienvenue et la date du cours C'est le mardi soir, le 15 de Jumad al-Oula, en 1432, de l'Hégire. Il dit, je vous parle au sujet d'un hadith, dont je demande à Allah qu'il nous fasse en bénéficier ainsi qu'à vous. Il dit, ce hadith fait partie de ce qu'on appelle Jawami al-Kalim, qu'on peut traduire par des paroles génériques qui ont été données aux messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et par lesquels il a été favorisé. Et ce hadith a été rapporté par Mu'adh et par Abu Dharr, hein, radiyallahu anhuma, quand ils agréent tous deux. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha haythu ma kunt, wattabi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. هذه ثلاثة أوامر منعكم السلام من تأملها بفطنة وتدبر وجميل انقياد ظهر له أنها تحصل للعبد الدعوة إلى حق الله والدعوة إلى حق النفس والدعوة إلى حق عباد الله. شيخ عبد الجابري حفظه الله تعالى كان له récompense par le Firdaus الأعلى. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, crains Allah où que tu sois. C'est évidemment la traduction du sens du hadith. Et fais suivre le péché par une bonne action qui l'efface. Et comporte-toi envers les gens d'un bon comportement. Vous cernez déjà bien qu'il y a quoi ? Trois ordres. Comme il va dire le cheikh ici, il dit, ce sont donc trois ordres. Crains Allah, ittaqillah, haythu ma kunt. Hein ? Wa atbi'i. As-sayyi'ata. Il y a un deuxième ordre ici, un deuxième verbe impératif. Le premier c'est Ittaqi, hein? Le deuxième c'est Atbi'i, et le troisième c'est Wa Khaliqi. Wa Khaliqin Nasa bi Khuluqin Hasan. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi dans As-Sunan, volume 4, page 355, avec la correction d'Ahmed Shakir, rahimahullah, le grand savant muhadith égyptien, rahimahullah, et Sunan Ad-Darimi, volume 3, page 1837. Cheikh Ubayd al-Jabiri dit, ce sont donc trois ordres. Thalatatu awamir, qui est le pluriel de amr. Celui qui les médite en étant éveillé et en y réfléchissant et en se soumettant d'une belle manière, il lui apparaîtra qu'elles sont pour le serviteur un appel au droit d'Allah. Ittaqillah, c'est ça le début du hadith. Hein? Et un appel au droit de la personne elle-même. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et troisièmement, c'est quoi? Un appel au droit des gens, hein, des serviteurs d'Allah. « Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan » Cheikh il dit, hafidahullah, « Al-amru l'awwal » ou plutôt, si vous voulez, « Al-wasiyatu l'oula »« Ittaqillah haythu ma kunt » Pour les frères qui, je ne sais pas si, parce qu'on a envoyé des messages pour donner le titre du cours aujourd'hui, s'ils ont la feuille, ici il manque « ma hein? »« Ittaqillah haythu ma kunt » والمعنى لازم أيها المسلم تقوى الله حيث كانت وجهتك في أي مكان وزمان في أي زمان ومكان لازم تقوى الله ولا بدها هنا حيال التقوى من بيان أمور. Donc Cheikh Abou El-Jabiri nous dit, le premier ordre, la première wasiyya, la première recommandation à caractère obligatoire si vous voulez, c'est quoi? Eh bien c'est crains Allah où que tu sois. Le sens de cela est: sois attaché, ô musulman, à la crainte d'Allah. Maintenant, il y a peut-être des gens qui vont dire, oh, mais c'est quoi la crainte d'Allah? On va le faire, inshallah. Le cheikh il va donner la définition linguistique, la définition dans le jargon des ulama, etc. Comme à son habitude, hafidhahullah. Mais il dit, et la crainte d'Allah, où que soit ta direction, à tout moment et à tout endroit. Attache-toi à craindre Allah. Et il est obligatoire ici, à l'égard de la taqwa, de mettre en évidence certaines choses, il dit le cheikh. Il dit, la première, l'amr l'awwal, fi ma'na taqwa lughatan, wa hiya min at-tawaqqi, wa huwa ittikhadu al-mar'i wiqayatan, yattaqi biha ma yakrahu wa yahdhar, wa minhu ittiqa'u shiddati al-bard wal malabis, afwan bil malabis al-matinah, wa ittiqa'u shiddati al-har bima yastad'ihi al-hal min libsi al-hidha' al-waqi wa talabi adh-dhil. Il a guéri d'Ali comme il m'a déjà lu, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il dit, la première ici, dans le sens de la taqwa, en ce qui concerne le sens de la taqwa, eh bien, c'est le sens linguistique de la taqwa. C'est-à-dire quoi? Dans la langue arabe, qu'est-ce que veut dire le mot taqwa? Et d'où vient le mot taqwa? C'est-à-dire qu'on fait une étymologie, on fait une étymologie du mot taqwa, dans la langue arabe bien sûr. Elle vient de at-tawaqqi, at-tawaqqi. Et c'est que l'individu prenne une protection qui le protège de ce qu'il déteste et de ce dont il craint, de ce dont il est sur ses gardes. En fait partie le fait de se protéger du grand froid en mettant des habits épais et de se protéger de la chaleur en s'habillant de ce que la situation requiert en termes de chaussures protectrices et de chercher l'ombre et d'autres choses encore, hein, parmi les choses par lesquelles on se protège de la grande chaleur, d'une protection complète ou partielle. Ce qui est voulu ici, c'est que l'individu fait des efforts pour que ne lui nuise pas la grande chaleur ni le grand froid. Cheikh, maintenant, après avoir apporté le sens, le ma'na al-lughawi de taqwa, il rapporte quoi ? Al-ma'na al-shar'i. C'est-à-dire quoi ? Le sens, le sens dans la législation islamique du mot taqwa. Et il dit quoi ? Hafidhahullah ta'ala. وأما معنى التقوى في الشرع عليكم السلام ففيه عبارتان إحداهما هو تحرز بطاعة الله من معصيته التي هي سبيل عقابه. Ça c'est la première عبارة. Je la répète pour les frères arabophones qui veulent la noter. التقوى c'est quoi on a dit العبارة الأولى c'est التحرز بطاعة الله. التحرز بطاعة الله من معصيته. معصيته التي quoi هي سبيل عقابه. On va traduire ça dans un instant, inshallah. والعبارة الثانية وهي أجمع منها هي عبارة طلق بن حبيب رحمه الله. Une définition très connue chez les mashayikh, c'est la définition de taqwa de Talq ibn Habib. Et pour les frères qui n'étaient pas là au début, d'habitude, on fait le cours de Cheikh Bezmoul sur Sifat Salah, parce qu'on a des visiteurs aujourd'hui et que on voulait faire un rappel. Moi, j'ai décidé de faire un cours qui est le hadith qui est Ittaqillah haythuma kunt de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit Talq ibn Habib rahimahullah sur taqwa? Il a dit at-taqwa an ta'mala min ta'atillah ala nourin min Allah tarju thawab Allah وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici pour les deux ibarat, les deux formules que le cheikh a rapportées concernant le sens de la taqwa dans le jargon des ulama, c'est-à-dire dans le jargon de la législation islamique, le vocabulaire de la législation islamique. Qu'est-ce que veut dire la taqwa? On a vu qu'il y a un sens linguistique, on a vu c'est le fait de se protéger du mot wiqaya, tawaqi, etc. Hein? Et maintenant, on voit quoi le sens dans la religion? Qu'est-ce que ça veut dire taqwa? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit ittaqila haythuma kunt. Donc on doit savoir c'est quoi la taqwa. Il dit en ce qui concerne le sens de la taqwa dans le vocabulaire de la législation islamique, il y a deux formules à ce sujet. La première, c'est ce qu'on dit taharruz. C'est de se mettre à l'abri de la désobéissance à Allah, qui est la voie vers quoi? Vers son châtiment. La désobéissance à Allah, c'est la voie vers son châtiment. Eh bien, comment? En obéissant à Allah. Donc, je répète, c'est de se mettre à l'abri de la désobéissance à Allah, qui est la voie vers son châtiment, en obéissant à Allah. Une deuxième formule qui est très très connue, souvent dans les cours, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, qui est enseignant à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, hein, d'autres chouurs, Cheikh Obeid, etc., quand il rapporte la définition de taqwa, il rapporte souvent ce athar de Talq ibn Habib. Cette définition de Talq ibn Habib, rahimahullah. Il a dit, la taqwa, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, la taqwa, c'est que tu œuvres en obéissant à Allah. En ta'amala min ta'atillah, comme il a dit. Ala nour min Allah. Ici, on pourrait traduire ça par lumière, mais Cheikh Abd al-Razzaq dit, le sens du mot nour ici, c'est quoi? L'ilm, la science, ahsant. Hein? C'est-à-dire quoi? C'est que tu œuvres en obéissant à Allah avec une science venant d'Allah. C'est-à-dire que tu ne fais pas ala jahl. Hein? Pourquoi? C'est quoi la raison? En espérant la récompense d'Allah. Mais c'est pas fini, il n'y a pas que ça. C'est quoi la suite de la définition? Et que tu délaisses la désobéissance à Allah. Enfin, la désobéissance à Allah. La désobéissance à Allah. Avec une science venant d'Allah. Pourquoi? Comme on a dit, car au début on avait dit parce que tu espères. Et maintenant on dit quoi? Parce que tu crains le châtiment d'Allah. C'est ça, la taqwa. Cheikh, il continue. Hein? En arabe? En arabe. أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. Des fois vous trouvez des petites différences dans les formulations, mais c'est le sens, il est le même, hein? D'accord. شغيدي فهذا المعنى ينبهك أيها الناصح لنفسه والحازم في أمره إلى أن غاية التقوى هي الفقه في دين الله حتى يعلم المرء ما هو الحلال ما هو حلال فيحله وما حرام فيحرمه وإن شئت فقل حتى يعلم على بصيرة ما هو محبوب لله سبحانه وتعالى ومرضيا له فيعمله استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وطالبا للقربة والزلفة عند الله عز وجل وكذلك يعلم علم فقه وبصيرة ما هو من مغاضب الله سبحانه وتعالى ومساخطه فيتجنبه ويبتعد منه امتثالا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? Et c'est pour ça que le cheikh, regardez le fiqh des ulama, le cheikh il te rapporte un hadith, il te l'explique, il t'explique le sens de la première phrase, le mot taqwa. Et puis il va dire quoi? Écoutez ici, il dit, ce sens attire ton attention, ô toi qui veux le bien pour toi-même, et qui est résolu dans ton affaire, sur quoi? Sur le fait que la taqwa, c'est de connaître la religion d'Allah. Regardez ce qu'on a dit avant. Talq ibn Habib a dit quoi? Ala nour min Allah, c'est-à-dire sur une science venant d'Allah. Afin que l'individu sache ce qui est licite, afin qu'il le rende licite. Et ce qui est illicite, afin qu'il le rende illicite. Et si tu veux, tu peux dire, afin qu'il sache avec clairvoyance ce qui est aimé par Allah et est agréé par Allah. Hein, ce dont Allah est satisfait. Et que donc il le fasse en réponse à Allah. Et à son messager, alayhi salatu wassalam. Hein? Et en application et en cherchant à être proche d'Allah azza wa jal. Et rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il sache et comprenne avec clairvoyance ce qui amène la colère d'Allah, li'adhu billah, afin de s'en écarter, en mise en application et en cherchant, comme on a dit, à quoi? À être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cheikh, il rapporte un point intéressant ici, il dit, sur ce qu'on appelle maratib al-taqwa, les degrés de la taqwa, de la piété, de la crainte d'Allah azza wa jal. Al-amr al-thalith fi maratib al-taqwa. حاصل ما دل عليه الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح أن مراتب التقوى ثلاث إحداها فعل المأمورات فعل المأمورات والثانية ترك المحظورات ويقال المحظورات بالضاد وهي المحرمات والمنكرات محظورات c'est-à-dire littéralement les choses sur lesquelles tu es sur tes gardes, hein, d'accord. Et tu sais al-mahzourat, hein, vous connaissez l'expression en arabe ihdar, fais attention, hein, attention, hein. Wa hiya al-muharramat wal-munkarat, c'est ça al-mahzourat. Wa al-thalitha ittiqa'u ash-shubuhat allati ulbisa 'ala al-mar'i haluha فلم يستبل له أهي من الحلال أو الحرام. Regardez, c'est ça. Là, déjà, pour les frères qui connaissent peut-être l'Arba'in Nawawiya, qui ont étudié un peu le hadith, ça doit leur rappeler un hadith. Hmm? C'est quoi? Hadith Na'man ibn Bashir, ahsantum. Hein? Vous voyez ici, regardez. Fi' al-ma'mourat, tark al-mahdourat, et quoi? Ittiqa al-shubuhat. C'est pas ça le hadith de Na'man ibn Bashir? Hein? Inna al-halala, bayna. Et regardez, le cheikh va le citer d'ailleurs. Inch'Allah. Ou le cheikh l'a cité et on va le traduire, Inch'Allah. On traduit déjà ça en premier lieu. La troisième chose concerne les degrés de la taqwa. Ce qui est indiqué par le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est que la taqwa a trois degrés. Le premier, eh bien, c'est la mise en application des ordres. Le deuxième, c'est quoi, le contraire? Le délaissement des interdits. Al-mahdourat, ou bien si vous voulez, al-mahdourat, bidhal. Une fois avec dhal, une fois avec dhad. Hein? Et c'est quoi le mahdourat, comme on a dit? Al-muharramat ou al-munkarat, ce sont les interdits, les turpitudes. Hein? Le troisième degré, après la mise en application des ordres, le délaissement des interdits, c'est quoi? Eh bien, c'est se préserver des choses ambiguës, dont l'individu ne voit pas si elles sont licites ou illicites. Et on va voir dans un instant que dans le hadith de Na'man ibn Bashir, qu'est-ce qu'il dit? وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. شيخ فالح إسماعيل حفظه الله تعالى كي لفنو يسي كي لفلا كي لفلا كونفرنس كي pendant le Ramadan passé il avait fait l'Arba'in Nawawiya le début. Il avait dit quoi? Que ça c'est un délit qu'il faut revenir aux savants, parce que c'est pas tout le monde qui ignore ça. Les savants ils savent. Et Cheikh Al-Fawzan, hein, j'ai été vérifié aujourd'hui dans Sharh Arba'in Nawawiya, il dit الراسخون في العلم يكونسوا المشتبهات يكونسوا المتشابه يكونسوا الأمور que les gens connaissent pas. Donc c'est pour ça il faut revenir à eux dans ces choses là. On a dit se préserver des choses ambiguës dont l'individu ne voit pas si elles sont licites ou illicites. Ça c'est le troisième degré. On a parlé de ce qui l'individu qui voit pas, hein. Une indication de ces trois degrés se trouve dans le hadith d'An-Nu'man ibn Bashir. Et on va lire ça, Inch'Allah. وَقَدْ جَعَتْ هَدِي الْمَرَاتِبِ إِشَارَةً فِي حَدِيثِ النَّعْمَنِ ibn Bashir رضي الله عنهما هو مخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقوله صلى الله عليه وسلم, regardez le cheikh comment il va quoi, il va mettre les 3 degrés de taqwa qu'on parle maintenant, dont on parle maintenant, en relation avec quoi, le hadith de Na'man ibn Bashir. Il va montrer cette indication. Il dit in al halal bayyinun, c'est quoi, fi'l ma'murat. وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ. Donc le premier c'est un shahid, un témoin argumentatif. De quoi? فِعْلْ مَأْمُرَات. Deuxièmement, إِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ, c'est quoi? Un shahid لِتَرْكِ الْمَحْذُورَات وَتَجَنُّبُهَا وَتَجَنُّبِهَا وَقَوْلُهُ وَبَيْنَهُمَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ, c'est quoi? Eh bien, c'est le troisième degré, il a écrit, c'est « Tahdhirun min ash-shubuhat allati man qarafaha wa lam yatajannabha wa qa'a fil haram. » Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Une indication de ces trois degrés qu'on a cités, de la taqwa ici, eh bien, se trouve dans le hadith de Na'man ibn Bashir, car les agrès tous deux, qui se trouvent dans les deux authentiques d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'a dit: le licite est certes clair. Et l'illicite est certes clair. Et entre eux deux, c'est-à-dire entre l'illicite et l'illicite, il y a des choses ambiguës qui ne sont pas connues par beaucoup de gens. Celui donc qui se préserve des ambiguïtés, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dans Sharh Arba'in Nawawiya, il dit, c'est-à-dire qu'il aura gardé, préservé sa religion pur en s'éloignant de prendre ce qui est illicite. An yatanawala al-haram. C'est ça que ça veut dire. Istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il aura gardé aussi son honneur pur en s'éloignant de ce qui peut faire parler les gens sur lui. C'est ça que ça veut dire. Et celui qui tombe dans les ambiguïtés, eh bien quoi? Et qui ne s'en écarte pas, mais qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, il sera tombé dans l'illicite. Al-amru rabi', quatrième point. Le cours est assez court aujourd'hui, Inch'Allah, donc on n'a pas encore beaucoup, on va terminer. Al-amru rabi', ما المراد بالتقوى؟ أقول كرر الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتقوى تارة بخطاب الإيمان كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سورة الأحزاب وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولن تنظر النفس ما قدمت لغد واتقوا الله إلى آخر الآية من سورة الحشر إلى غير ذلك من الآيات وتارة بخطاب الناس ومن ذلكم قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء c'est le verset que j'ai lu au début dans سورة dans خطبة الحاجة فما المراد بهذه التقوى التي جاءت مأمورا بها فيما لا يحصى من آية التنزيل الكريم on va s'arrêter là on traduit et puis on reviendra à cela inshallah. Donc il dit la quatrième chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui est voulu, entendu par la taqwa ici? Je dis, c'est-à-dire Cheikh Obed al-Jabiri hafidhahullah, Allah a répété, karrar Allah subhanahu wa ta'ala amra ibadihi bit taqwa. L'ordre à ses serviteurs de le craindre, la taqwa. Parfois en adressant la parole aux gens de foi. Ya ayyuha alladhina amanu. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: oh, vous qui croyez, craignez Allah. Ya ayyuha alladhina amanu, taqullah. Et parlez avec droiture. Sourate Al-Ahzab, verset 70. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: oh, vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. C'est ça, ya ikhwa. Alors, on ne va pas rester éternellement ici. On a tous une fin, quand Allahu a'lam. C'est pour ça, il faut ce qu'on appelait Al-Zad, la provision. Et craignez Allah car elle est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate Al-Hashr, verset 18. Et d'autres versets encore. Et parfois en s'adressant aux gens. Ya ayyuhan nas. Hein? Aux hommes, avec un grand H. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement, et c'est surat Nisa, verset 10. Cheikh Ibn, il va poser une question, il va répondre lui-même, inshallah. Qu'est-ce qui est voulu donc par cette taqwa au sujet duquel on a reçu l'ordre dans des versets que l'on ne peut dénombrer du noble Coran? Et bien maintenant, c'est, comme on dit en arabe, hada su'alun jadirun bil ijaba. Hein? C'est une question qui mérite, qui mérite qu'on lui donne une réponse. Hein? Et bien, Cheikh, il dit, hafidahullah ta'ala, il dit, at-taqwa hiya ibadatullahi wahda. وإخلاص الدين له وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم c'est quoi أن اتقوا الله الآية سورة النساء فالآية فيها صراحة أن هذه الأمة ومن سبقها من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى كلهم موصون بتقوى الله. Cheikh, il répond à sa question qui était: qu'est-ce qui est voulu donc par cette taqwa dont on a reçu l'ordre? Eh bien, la taqwa, c'est d'adorer Allah de manière exclusive, de lui vouer une adoration sincère, pure, et qu'il est celui qui est adoré avec vérité et nul n'est adoré avec vérité à part lui, subhanahu wa ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Surat An-Nisa, verset 131. Le verset est explicite sur le fait que cette communauté et ceux qui l'ont précédé parmi les gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens, tous ont été commandés, on leur a été commandé de quoi ? De craindre Allah, la taqwa. Ceci est général, Cheikh, il dit. وهذا مجمل جاء إيضاحه وبيانه في آيات أخرى ومنها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Vous comprenez un peu ce qu'il est en train de faire le Cheikh ici. Il rapporte des versets généraux sur la taqwa. Et puis il rapporte quoi, un bayan et un détail de c'est quoi la taqwa. Et regardez les versets qu'il cite. C'est ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل. وقوله تعالى وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء. فهاتان الآيتان وما في معناهما من آية التنزيل الكريم وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر دليل على أن أصل الدين الإسلام وأساسه أمران. شيخ الدين حفظه الله تعالى. Ceci est général. Le détail en est fait dans d'autres versets parmi eux. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarot » Surat An-Nahl, verset 36. Et la traduction de la parole d'Allah dit « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. » Surat Al-Anbiya, verset 25. Ces deux versets, ainsi que les autres versets du noble Coran, qui ont le même sens, plus connus que pour être cités et plus nombreux que pour être dénombrés, sont des versets que le fondement de la religion de l'islam et sa base sont deux choses. La première, الأمر الأول هو الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والثاني هو الإنذار من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه والتكفير من فعله. هذا هو ما اتفق عليه النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ومن أجله أقيم الجهاد ورفعت رايته وأقيم سوق الجنة والنار فكان الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فمن استجاب لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام فهو من أهل الجنة. ومن استنكف عن ذلك وأخذته العزة بالإثم ولم يستجب لله ولا لرسله فهذا هو فريق النار والعوذ بالله من ذلك. الشيخ كيسك اللي حفظه الله تعالى اللي la religion de l'islam et sa base sont deux choses. La première, l'ordre de vouer une adoration exclusive à Allah et d'y inciter et d'aimer en cela et de juger mécréant celui qui la délaisse. Le deuxième, la mise en garde contre l'association dans l'adoration d'Allah et d'être dur à ce sujet et de détester pour cela et de juger mécréant celui qui la commet. Ceci est sur quoi étaient d'accord tous les prophètes et les messagers, alayhi salatu wassalam, depuis Noé, Noé le premier d'entre eux, le premier des messagers, jusqu'à Mohammed, le sceau des messagers, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que le jihad a été légiféré. Ce n'est pas le jihad de Khawarij, le jihad de Al-Sunnah, Bidawa Bishar'iyya. Et que son drapeau est élevé. L'enfer et le paradis. Les gens sont un groupe au paradis et un groupe en enfer. Celui qui aura répondu à Allah, à l'appel d'Allah et de ses messagers, alayhi salatu wassalam, fait partie des gens du paradis. Et celui qui refuse cela, hein, et que l'orgueil criminel s'empare de lui, et ne répond pas à l'appel d'Allah, ni de ses messagers, et bien celui-là fait partie des gens de l'enfer. Iyadan billah min dhalik. Cheikh il dit, hafidhahu Allah, wa bihada yajibu ala du'at al-haq wal-basira, الاهتمام بأمر التوحيد وحض الناس عليه وأن الله لا يقبل عبادة دونه وأنه هو السبيل الأعظم لدخول الجنة والتحذير من الشرك وأنه محبط للعمل فلا يقبل الله عملا مع الشرك. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية الترمذي فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. الحديث يقول الشرح بلي كومبلي دون كوا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شيخ il dit quoi en ce concernant ce passage. C'est pour cela qu'il est obligatoire aux prêcheurs qui appellent à la vérité avec clairvoyance de donner de l'importance au tawhid, à l'unicité, et d'y inciter les gens, et qu'Allah n'accepte pas l'adoration d'autre que lui, et que c'est la voie la plus importante qui fait entrer au paradis, et de mettre en garde contre l'association et sur le fait qu'elle annule toutes les actions, car Allah n'accepte aucune action avec du shirk. Muslim, rahimahullah, l'imam Muslim a rapporté d'après un hadith d'Abu Hurairata radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, hein, quoi, que Allah a dit, je suis celui qui se passe le plus aisément d'associer, quiconque partage l'adoration entre moi et un autre sera délaissé par moi, lui et son association. Et dans la version de l'imam Tirmidhi rahimahullah, je me désolidarise de lui et il est tout entier à celui qu'il a donné comme associé. Il n'y a pas de prêcheur, Cheikh il dit. Wa ma min da'iyati haqq wa basira illa wa hada daydanuhu fi ad-da'ati ila Allah ghayr 'abi' biman khalafahu li maw'udi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la tazalu ta'ifatu min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وما أحسن ما قاله الفضل بن عياض رحمه الله. C'est une parole que souvent Cheikh Obedi ici dans ses cours et mémorisé là. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلال أو الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Cheikh il dit, hafidahullah, il n'y a pas de prêcheur qui appelle à la vérité avec la clairvoyance sans que ne soit son habitude d'appeler à Allah, sans prêter attention à ceux qui les contredisent. Et ce en raison de la promesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura de cesse une partie de ma communauté apparente sur la vérité. Ne leur nuira pas ceux qui les trahissent jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah. Hein, donc ne vous faites pas avoir par l'appel de ceux qui vous disent comme l'Ikhwan al-Muflisoun et Tablir, etc. qui vous disent quoi, hein, ah, vous toujours tawhid, tawhid, tawhid. Ça va, c'est bon, on connaît le tawhid, passe à autre chose. Hein? Là, c'est ça la voix des prophètes et des messagers, alayhi salatu wassalam. Tawhid jusqu'au bout. Hmm? Et quelle belle parole que celle d'Al-Fawdal ibn Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est important de garder ça dans, hein, à l'esprit, dans le cœur, parce que des fois on se sent un peu seul sur la voie. Qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah, Al-Fawdal ibn Iyad, l'imam, rahimahullah, suis les voies de la guidance et que ne te nuise pas que peu de gens l'empruntent. Et, hein, alayka bi turuqil huda wa la yadurruka qillatu salikin. Et prends garde aux voies de l'égarement. Wa iyyaka wa turuq ad-dalala wa la yaghurruka kathratu al-halikin. Hein, et prends garde aux voies de l'égarement et ne sois pas dupe du grand nombre de perdus. Le deuxième ordre du hadith, on a vu que le premier c'était quoi? L'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu c'est quoi la taqwa en détail. Hein? Ittaqillaha haythuma kunt fi ayyi makanin wa zaman. On a vu c'était quoi taqwa fi l'ura wa fi shara' wa maratib taqwa. Et que l'ordre s'est répété. Des fois avec l'appel aux gens de foi, des fois l'appel aux gens. Ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha an-nas. Et on a vu que le détail de ça a été fait dans d'autres versets. Comme le verset hein, de Surat Nahl et le verset de Surat Anbiya. Que c'était le Tawhid, le Khalis. Ou l'Indar, hein, le fait de mettre en garde contre le shirk. Et maintenant, le deuxième ordre du hadith. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Il y a peut-être des gens qui vont se poser la question maintenant. Et si on fait un grand péché? Est-ce que c'est pour les petits chers? Chers, il va parler de tout ça, Inch'Allah. Il dit, حفظه الله تعالى, الأمر الثاني يتضمن الوصية الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والمعنى أمر المرء المسلم حالما يقترف إثما أو يخطئ خطيئة أن يتبعها بحسنة وهذه الحسنة تمحو تلك السيئة. وها هنا لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول أن السيئات على ضربين. Les sayyat, c'est pas toutes les mêmes, ya ikhwa. Il y a des kabaïr et des sagaïr. Alors c'est quoi le kabaïr? Et c'est quoi le hukm? Et c'est quoi le sagaïr? Et c'est quoi le hukm vis-à-vis de ce hadith? On va le voir, incha'Allah. Il dit kabaïr, mitl, al-zina, wa-sariqa, wa-sharb al-khamr, wa-l'uquq, wa-qati'atu al-rahim. Fahadihi kabaïr. C'est des exemples. Maintenant, c'est quoi la définition de la kabira? Ma huwa haddu al-kabira? Haddu al-kabaïri, kama dhakaruhu ghayr wahidi min ahli al-ilm. هو كل ذنب ترتب على عليه حد في الدنيا أو تعزير أو توعد به بغضب أو لعن أو نار في الآخرة والصغائر ما دون ذلك كالنظرة المحرمة ومصافحة المرأة الأجنبية من قبل الرجل الأجنبي ليس زوجا ولا محرما. الشيخ يلتغمين سبوان ديزان فالكبائر لا بد فيها من توبة. التوبة النصوح فهي الحسنة هنا. سيزا الحسنة هنا فأتبع التوبة. وأما الصغائر فيكفرها صالح الأعمال. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. Voyez le cours la semaine passée sur le ركوع et le cours peut-être de la semaine prochaine sur le ركوع. Regardez l'importance du ركوع. إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. Akhrajou Muslim, rahimahullah. Cheikh, il dit, on traduit ça pour que ce soit pas trop long pour les frères francophones. Il dit, le deuxième ordre du hadith, c'était quoi? Et fait suivre le péché par une bonne action qui l'efface. C'est quoi le sens de cela maintenant? Il a ordonné aux musulmans, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils commettent une erreur ou commettent un péché, de le faire suivre par une bonne action. C'est une bonne action, cette bonne action efface ce péché. Il est obligatoire ici de mettre en évidence deux choses. Eh bien la première, que les péchés sont de deux types. Il y a les grands péchés, al-kaba'ir, hein, ou les majeurs, les péchés majeurs si vous voulez, comme la fornication, le vol, boire de l'alcool, désobéir aux parents, ce qu'on appelle uquq, couper les liens de parenté, qati'atu rahim. Ce sont des grands péchés. La définition du grand péché maintenant, c'est quoi? Eh bien, comme l'a dit plus d'un parmi les gens de science, c'est tout péché qui implique un had, une peine légale, dans ce bas monde. Ou un ta'zir, punition, ta'zir. Au sujet duquel il y a une menace de colère d'Allah. Ou de malédiction. Par exemple, la'ana, hein, ghadiba, etc. Hein? Sakhita, ou de l'enfer dans l'au-delà, nar, fi nar, etc. Hein, d'autres, ils disent aussi, par exemple, Laysa minni, le fait que le prophète s'est signé sans de lui. Hein, ça aussi, ça rentre dans le Kaba'ir. Il y a un livre de le Kaba'ir qui est très connu, c'est de qui? L'imam Dahabi, rahimahullah. Hein, revenez à ce livre-là, inshallah. Il a été publié avec Tahrir, etc. Maintenant, il y a les petits péchés. Les péchés, si vous voulez, mineurs, en opposition par rapport aux péchés majeurs ou aux grands péchés. Eh bien, c'est ce qui est en dehors de cela. C'est-à-dire, en dehors des grands péchés, eh bien, c'est des petits péchés. Comme un regard interdit. Serrer la main d'une femme étrangère par un homme qui lui est étranger, ni un époux, ni quelqu'un qui lui est interdit au mariage. C'est-à-dire un mahram. Hein? Cheikh, il dit, le repentir est obligatoire en ce qui concerne les grands péchés. Le repentir sincère, tawbatun nasuh. Et c'est ça la bonne action ici. Tandis que les petits péchés, ils sont effacés par les bonnes actions. Parmi les preuves de cela, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont la traduction relative du sens est, il n'y a pas un musulman pour qui l'heure de la prière prescrite, obligatoire, arrive. Et qui fait bien ses ablutions. Il fait bien ses ablutions pour cette prière. Comme salam. Et se concentre bien dans cette prière. Et s'incline bien dans cette prière. Sans qu'elle ne soit pour lui un effacement des péchés qui ont précédé cette prière. À condition que ce ne soit pas un grand péché. Jusqu'à la fin du hadith. Sahih Muslim. Et vous voyez encore une fois l'importance de venir au cours et d'assister à nos cours sur la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Et je vous ai déjà rapporté la parole de Cheikh Al-Fawzan. Il dit, si tu veux savoir ta relation avec Allah, regarde ta prière. Parce qu'elle est le lien entre l'être humain et le Seigneur. Tu veux savoir comment, tu veux voir, tu veux jauger, tu veux peser ton lien avec Allah Azza wa Jalla, regarde ta prière. Andouri la salatik. Salah Azza wa Tawfiq wa Sadat. Cheikh, il continue en disant, Hafidhahullah Ta'ala, on a presque fini, Inch'Allah. Wal maqsouda, afwan, anna nabiyya, أو أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نجاهد أنفسنا. Bien sûr, là, une question de مجاهدة النفس. C'est pas gratuit, c'est pas facile. Hein? On n'a pas le choix si on va aller à الجنة. بأن نجاهد أنفسنا على فعل محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه ومجانبة مغاضبه ومساخطه. فالأول من سبل الجنة وأعظمها كما جديد التوحيد. والثاني من سبل النار وعظمه الشرك بالله عز وجل hein والعياذ بالله. Donc Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, et avec cela, vous savez que les effacements des petits péchés est conditionné, pardon. On a dit quoi? Allah, le prophète, ici, ce qu'il voulait ici, c'est qu'il nous a ordonné de quoi? De lutter contre nous-mêmes. Puis, pour faire les actions aimées et agréées par Allah, subhanahu wa ta'ala, le premier fait partie des voies qui amènent au paradis. Dont la plus importante, on a dit, c'était quoi la voie? Tawhid, l'unicité. Et la deuxième fait partie des voies qui amènent à l'enfer. Dont le plus important est quoi? Ou la plus importante des voies est quoi? Eh bien, c'est l'association Allah Azza wa Jal, wa yadu billah. Cheikh, il dit le troisième ordre. Al-wasiyatu thalitha. Et avec ça, on finit parce que c'est la fin du hadith. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et quand en grand besoin, on est aussi de ça. Hein? Sur ce point-là. Hadi al-mu'amala yaqulun al-insanu madaniyun bi tab'ihi. Yani, comme cela. Anhu ya'lafu wa yu'lafu. فلا بد له من تبادل المصالح والمنافع مع بني جنسه وهذا لابد له من شيء يسوسهم به ويقربه إليهم ويقربهم إليه ولهذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم الأرواح حتى عائشة المعروف رضي الله عنها الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. حديث تخكوني ده صحيح مسلم ده حديث عائشة رضي الله عنها ما تخرج زناستون. Il dit le troisième ordre ici dans le hadith sur Abu al-Jabiri hafidahullah et comporte-toi envers les gens d'un bon comportement. Ce comportement, on dit que l'être humain est par nature citadin, madaniyun bi tab'ihi. C'est-à-dire qu'il aime et il est aimé. Hein? Il lui est obligatoire de s'échanger des biens et des bénéfices avec ses semblables. Et pour cela, il faut qu'il prenne soin d'eux, avec quelque chose qui va le rapprocher d'eux et vont le rapprocher de lui. Hein, je vois des têtes qui hochent, hein? C'est un sujet d'actualité. Yak. Une indication de cela est donnée dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith très connu, mémorisez-le. Très court. L'arwah junud mujannada ma ta'arafa min a'talaf wa ma tanakara min akhtalaf. Cheikh Al-Uthaymeen dans le hadith, il dit que, c'est une faïda qui me revient en tête maintenant, il dit que sur le fait de dire à ton frère, hein, ala akhbartahu, quand tu aimes ton frère d'Allah, tu lui dis, uhibbuka fillah. Il dit, wa illam تنطق به الألسن فهذا أمر معروف. بوكو باسكو القلوب تتعارف. Il dit les âmes, prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit les âmes sont des régiments. Celles parmi elles, les âmes, qui se reconnaissent mutuellement s'accordent, vont ensemble. Et celles parmi elles qui s'opposent les unes des autres, aux autres, ne s'accordent pas. Et c'est un hadith rapporté par un musulman. Et c'est vrai, regardez autour de vous. Chérie, maintenant il dit, il nous reste à voir, c'est quoi la règle du bon comportement ? Ma baqiya ma qa'idatul al-khuluq al-hasan ou al-mukhalaqatul hasana. Wa minha sidqul hadith, wa hifdhul amana, wa injazul wa'd, wa al-wafa'u bil-ahd, wa husnul jiwar, wal birru was-silah, wa tayyibul kalam, wa raddus salam. وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الإسلام قاعدة هذا قوله صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يزحزح في النار عفوا أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة هذا الحديث كنا جات خدوي نقود الأصول ستة كنا في شعب الجابري حفظه الله فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. C'est ça la qaïda. Il nous reste à voir c'est quoi la règle, quelle est la règle du bon comportement. Parmi le bon comportement, la véracité dans les paroles. On en a grand besoin de ça. Préserver les dépôts, tenir les promesses, s'acquitter des pactes, le bon voisinage, l'obéissance, et le maintien des liens familiaux, la bonne parole, rendre les salutations, et d'autres choses encore qui sont connues chez les musulmans. La règle de cela, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut être écarté de l'enfer, man ahabba an yuzahzaha 'ani an-nar wa yudkhal al-jannah, être entré au paradis littéralement, c'est-à-dire entré au paradis, que lorsque sa mort arrive, alors qu'il croit en Allah. Que sa mort elle arrive quand il croit en Allah Azza wa Jal. Qu'il soit dans un état où il croit en Allah Azza wa Jal. Et au jour dernier. Et qu'il fasse aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse. Rawah au muslim. Qala Cheikh Abu al-Jabiri, hafidahullah. Hadhihi al-jumla hiya qa'idatul mukhalaqatul hasana. Ma'a bani jinsika ya abdallah. Sawan kanu muslimin. Ou kanu min al-kuffar. Hatta al-kuffar. Nahnu ma'mourun. بأن لا نتعدى على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على نفوسهم سواء كانوا مقيمين بيننا أو كنا مقيمين بينهم لأنهم في كلتا الحالتين بيننا وبينهم ماذا؟ عهد فالحال الأولى بيننا وبينهم عهد أئمتنا ولاة أمورنا فهم معصومون بعهد الإسلام. وأما من كنا مقيمين منهم أو بينهم عفوا فهؤلاء قد ائتمنونا ووثقوا منا وينظرون إلى محاسن ديننا، كيف نعاملهم بها؟ هذا هو المفروض. كما الذي كما قال الشيخ فعل إسماعيل لما زارنا هنا، قال كونوا سفراء للإسلام، كونوا سفراء، سفير امباسادور، كونوا سفراء للإسلام. الشيخ يغابورتين بل فائدة إيسي يدي، وقد كان كثير من البلدان دخل أهلها في الإسلام لما رأوا من محاسن الإسلام وحسن تعامل أهله معهم، دخلوا في الإسلام أفواجا، رأوا في أهل الإسلام العدل والأمانة وحفظ العهد وحسن الجوار وصدق الحديث وغير ذلك من محاسن الإسلام. نعم، وخالق الناس بخلق حسن. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى. الشيخ يترمينا لفاسغن انت البلاغيل دي، وأرجو أن تعذروني إذا اختصرت الكلمة لأنني ولله الحمد أتعرض لزكام، ولعلكم سمعتم مني بعض السعال، لكن ما عليكم خوف، ما يعديكم إن شاء الله لا تخافوا. بس كل الشيخ في دموي فان كور بار تليفون عبر الهاتف اي فهمت البلاغ على فان كش تخدو غير دزان استون ان شاء الله. الدي حفظه الله لا ريغل دو سلا اي لا بارول دو ميساجي دالله صلى الله عليه وسلم. Celui qui veut être écarté de l'enfer et entrer au paradis, que lorsque sa mort arrive, eh bien, alors qu'il croit en Allah, c'est-à-dire qu'il le trouve dans un état où il croit en Allah, et au jour dernier, et qu'il fasse aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse. Vous entendez la règle ici? Qu'il fasse aux gens ce qu'il aime qu'on lui fasse. Rapporté par Muslim. Cette phrase est donc la règle à observer dans le bon comportement avec tes semblables, ô serviteur d'Allah. Qu'ils soient musulmans ou mécréants. Même les mécréants, il nous a été ordonné de ne pas nous en prendre à leur argent. Où sont les khawarij par rapport à ça aujourd'hui? Ni à leur honneur, ni à leur personne, qu'ils vivent parmi nous ou que nous vivions parmi eux. Car dans les deux cas, il y a entre eux et nous, quoi? Un pacte. Le premier cas, il y a entre eux et nous quoi? Le pacte de nos gouverneurs. Ils sont donc protégés par le pacte de l'islam. Tandis que ceux chez qui nous vivons, ça c'est ce qui nous concerne ici, nous sommes résidents, chez qui nous sommes résidents, mais ceux-là nous ont fait confiance. Ils regardent les biens de notre religion et comment nous nous comportons avec eux en fonction de cela. Il y avait beaucoup de pays qui se sont convertis à l'islam lorsqu'ils ont vu les biens de l'islam et le bon comportement des musulmans avec eux. Ils se sont donc convertis en masse. Dakhalou fi dinillahi afwaja. Ils ont vu chez les musulmans quoi? L'équité. L'adl. L'intégrité. La probité. Le respect des pactes. Le bon voisinage. La véracité dans les paroles et dans d'autres, et d'autres encore parmi les bienfaits de l'islam. Et comporte-toi bien envers les gens, et comporte-toi avec les gens envers les gens, avec un bon comportement. Et Cheikh il dit, et c'est ce qu'Allah nous a facilité, et il dit je m'excuse, arjou an ta'dhuruni, si j'ai fait de manière résumée ce cours, parce que je suis, alhamdoulilah, j'ai subi une grippe ou un rhume. Il dit, et peut-être que vous avez entendu de moi tousser, subhanallah, moi je suis en train de traduire le même cours et je suis en train de tousser, j'ai aussi un adib. Il dit, lakin, ma alaykum khawf, il dit, n'ayez pas peur, c'est pas contagieux, ça vous touchera pas, Inch'Allah, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que évidemment, il est en train de donner cours au téléphone. Ala kulli hal, wallahu a'lam, wa jazakum allahu khairan, wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.